La science CQFD, Natacha Triou. Avec plus de 2 milliards de tonnes d'ordures produites dans le monde chaque année, Homo sapiens serait devenu Homo détritus. Il existe même une science des déchets, la rudologie. Quelles en sont ses approches ? Les artistes Tim Noble et Sue Webster sont des sculpteurs de déchets. L'ombre portée sur ces sculptures ordures fait apparaître sur un mur une silhouette humaine. Ce que raconte cette œuvre, c'est que l'histoire des déchets est le miroir de nos sociétés, qu'il est impératif de changer le regard sur nos poubelles. Comment réduire leur quantité ? Et avec cette conscience aiguë des limites planétaires, comment faire de nos déchets des ressources ? Déchets, dis-moi qui est la poubelle ? Roland Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME. Vincent Semeté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à Chimie Paris-Tech et responsable de la chaire Mines Urbaines. Merci d'être avec nous en studio et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou en podcast à toute heure sur l'appli Radio France. Vous pouvez écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. On publie chaque jour de nombreuses ressources. Pour compléter votre écoute, c'est tout de suite à Science CQFD. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui produisent le plus de déchets ? De quoi sont composées nos ordures ménagères ? Quelles sont les techniques utilisées actuellement pour le recyclage et quelles sont ses limites ? Et quels sont les prochains défis pour la recherche dans ce domaine ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. En 1942, on s'intéressait déjà aux techniques de recyclage. C'est par Lyon que la grande campagne de récupération des déchets a commencé. Les vieilles boîtes de conserve, les débris de verre et de chiffon, les déchets de cuivre, de caoutchouc et de papier, tout peut servir, tout doit servir. Et du concierge qui fait la collecte dans son immeuble au ramasseur, du ramasseur au service du triage, nous allons suivre rapidement la route de ces déchets que nous avions toujours cru inutiles. Les vieux chiffons, lavés, triés et tirés, forment une nappe fibreuse, prête à être tissée. Avec les morceaux de verre refondus, le verrier soufflera de nouvelles bouteilles. Les déchets de papier se transformeront en papier d'emballage, si précieux aujourd'hui. Et les vieilles boîtes de conserve, aseptisées, resserties, pourront à nouveau être utilisées. Économie et ingéniosité. Voilà un extrait du journal Les Actualités Mondiales diffusé sur la RTF en 1942. Tout peut servir, tout doit servir. Roland Marion, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui en 2023 avec la crise environnementale. Oui, c'est vrai, mais ce petit reportage nous montre aussi quelque chose qui est très amusant. C'est que c'est un métier très ancien et figurez-vous qu'au siècle dernier, les recycleurs étaient agréés par le préfet de Paris. Ils avaient une petite médaille qui leur permettait de récupérer les choses qui avaient de la matière, le textile, on l'a entendu, la ferraille, le verre. Et puis tout ça s'est modernisé. On est désormais entré dans une phase où il faut qu'on massifie très sensiblement le recyclage. Vincent Semeté, comment vous avez fait réagir cette archive ? Alors, cette archive est très amusante et comme le soulignait l'intervenant précédent, c'est que cela fait appel à des vieux métiers hein, qui existent depuis très longtemps. On a oublié un petit peu ces habitudes hein, du fait de l'avènement de la société de consommation. Il faut impérativement y revenir, et y revenir notamment avec des techniques hein, qui sont beaucoup plus complexes, demandant de la recherche, puisque les objets ont naturellement aussi évolué, sont aussi nettement plus complexes. Alors on parle de ces vieux métiers, on peut aussi peut-être aborder tout de suite une vieille idée reçue et détricoter immédiatement voilà, cette idée reçue selon laquelle le recyclage ne sert à rien, Roland Marion. Ah oui, alors si on a encore quelques-uns à penser que le recyclage ne sert à rien, il suffit de se dire qu'on est sur une planète finie, que donc par nature, par essence scientifique, la matière est finie. Et donc si on lui donne pas une deuxième vie, et ben, à un moment donné, on n'en aura plus. Voilà. Et donc non seulement le recyclage est utile, mais en plus il est réel. Ça veut dire que tous les efforts qui sont faits au quotidien dans la cuisine de chacun des Français, au bout du compte, ils ont un impact réel. Parce que c'est de la matière qui est triée et qui est remise dans un cycle productif. Vincent Semeté. En effet, il est vertueux de recycler hein, impérativement. Notre monde est fini. Nous avons des besoins énormes en matière. Chaque Français consomme 11 tonnes de matériaux globalement chaque année. La terre est finie, donc il faut renouveler les ressources et les renouveler via le recyclage. Ceci dit, le recyclage ne peut pas compenser tous nos besoins. On aura toujours besoin de l'extraction primaire, d'avoir accès à la mine. Mais il faut vraiment développer le recyclage si on veut s'inscrire dans une démarche de durabilité. On reviendra évidemment un peu plus en détail sur l'importance de ce recyclage et surtout sur ses méthodes. Mais peut-être pour commencer quand même, rappeler, hein, bien se rendre compte de l'ampleur du problème à l'échelle planétaire. Hein, que représente justement la gestion des déchets, ou plutôt la non-gestion des déchets à l'échelle de la planète, Roland Marion? Si on regarde un peu, nous, dans nos poubelles à nous en France, on produit 300 millions de tonnes de déchets par an, à quelque chose près, 300 millions de tonnes. 200 millions de tonnes de déchets sont produits par le bâtiment et les travaux publics, on va mettre de côté. Et donc il nous reste 100 millions de tonnes qui sont générées par les activités économiques pour 60 millions d'entre eux et pour les déchets des ménages pour un peu moins de 40 millions de tonnes. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc c'est autant de matière qui est prélevée dans un environnement, soit un environnement naturel, soit en provenance du recyclage, mais qui doit être traitée de la meilleure des façons possibles. Oui, comme vous dites, hein, 213 millions de tonnes de déchets pour le secteur de la construction. En France, il me semble que c'est en moyenne presque deux fois plus de déchets que dans les autres pays européens, par rapport justement à ces déchets qui viennent de ce secteur-là. Oui, oui, on produit nous-mêmes beaucoup de déchets. Alors, il n'y a pas de fatalité dans ce sujet-là. La fatalité, peut-être, c'est ce qui reste comme déchets qu'on n'a pas triés et qui n'aura pas une seconde vie. Parce que maintenant, on peut regarder, s'intéresser à ce qu'il y a dans les déchets de chacun des habitants. Et si vous regardez votre poubelle grise, vous verrez qu'à peu près tout ce que la poubelle grise contient pourrait être valorisé. Justement, qu'est-ce qui se... petite anatomie de nos poubelles. De quoi sont composées les ordures ménagères, Roland Marion? Donc on a, dans nos poubelles grises, à peu près 30% de biodéchets. Les biodéchets, ça n'a rien à y faire. On peut en faire du retour au sol ou de la méthanisation, ce qui évite d'importer du gaz russe, par exemple. On a du papier, du carton, du verre, des métaux, des textiles... Autant de sujets qui représentent pour chaque Français de l'ordre de 250 kilos par an et qui pourraient être réduits à presque rien si on avait un tri qui était efficace et qui permettrait de régénérer cette matière. Vincent Sémété. Moi, je parlerai d'un domaine que je connais bien, ce sont les D3E, donc les déchets d'équipement électrique et électronique, que l'on résume sous le terme de D3E. On en produit plus de 60 millions de tonnes dans le monde, ce qui est phénoménal, avec une croissance de 3% par an. Seulement 20% de ces déchets sont on va dire, collectés et traités de manière adéquate par des pays ayant une réglementation. Et pour le reste, on a une perte de matière, puisque ces objets vont terminer en enfouissement, dans la poubelle, tout simplement, ou gérés par un secteur informel qui va essayer, tant bien que mal, de valoriser les matériaux de manière rudimentaire, en générant des problèmes de pollution et des problèmes sanitaires. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette production de déchets à l'échelle mondiale s'est accélérée également depuis... Enfin, ça, c'est une accélération qu'on observe quand même depuis le milieu du XXe siècle. Mais on a une corrélation très claire entre production de déchets, croissance du PIB et croissance démographique. Donc si vous faites de la croissance démographique, si vous faites de la croissance du PIB, vous faites de la croissance de déchets. Parce que... on consomme toujours davantage. Sur les déchets électriques et électroniques que vous avez cités, il y a aussi un point qui est très intéressant à constater, c'est qu'on a une question de souveraineté, dont une partie de la réponse se trouve où ? Dans nos déchets. Parce que pour produire les produits de la transition écologique, toutes les nouvelles technologies de la transition écologique, ou pour produire des équipements électriques et électroniques, on a besoin de métaux critiques, de métaux rares, qui ne sont pas sur nos territoires. En fait, ils le sont, mais sous forme de déchets. Donc, il faut réussir à les capter sous forme de déchets. Et ça, c'est une question de souveraineté. Il n'y a presque plus qu'à se pencher pour. On verra que c'est plus compliqué que ça. Par rapport justement à l'évolution de la quantité de déchets, comment évolue justement la production de déchets, mais en France, Roland Marion? En France, on a la volonté de diminuer la production de déchets par habitant. Ce qui, dans le constat, fonctionne à peu près bien. C'est-à-dire qu'on est à peu près stable, voire en légère diminution. Mais les déchets d'activité économique augmentent un peu, et puis le nombre d'habitants a aussi tendance à augmenter. Ce qui fait globalement que la masse de déchets est globalement stable. Par contre, depuis 2015, on vise un objectif qui est très important, qui est de diviser par deux les déchets qui vont être enfouis. Sous-entendu, dont on va se débarrasser, parce qu'on n'aura pas su les recycler. Et ça, c'est l'enjeu de la gestion des déchets, plus que de la production des déchets, que de réussir à récupérer ces déchets qui étaient avant éliminés pour leur donner une seconde vie. Sur ces déchets enfouis, justement, il y a aussi la question des déchets dangereux. Ça représente 11 millions de tonnes par an en France. Bon, c'est principalement produit par l'industrie de la construction, mais qu'est-ce que sont ces déchets dangereux ? Alors, on a toute une catégorie importante de déchets dangereux. Regardez, une pile, quand elle est dans votre télécommande, c'est pas un déchet dangereux, c'est un produit. Une fois que vous allez vous en débarrasser, ça devient un déchet dangereux. Parce que si vous vous en débarrassez dans un milieu naturel, vous allez polluer le milieu naturel et pour longtemps. Pour la même raison, les équipements électriques et électroniques peuvent être aussi des déchets dangereux. Mais vous avez aussi tous vos produits quotidiens, déchets diffus spécifiques, les bases, les acides, les soudes que vous utilisez au quotidien, qui sont aussi des déchets dangereux et qui doivent trouver des filières de valorisation. Vincent Zemmété. Oui, en effet, il est important de gérer correctement les déchets, puisque certains déchets peuvent avoir occasionné des pollutions. C'est le cas des trois œufs qui ont leur filière spécifique. Et au-delà de la collecte et du traitement, qui sont les deux piliers d'un traitement des déchets, pour les trois œufs, il va falloir dépolluer pour enlever les matières dangereuses qu'elles contiennent ou les éléments pouvant générer, par exemple, des feux, comme les batteries, lorsqu'ils sont traités, que ces batteries ne sont pas correctement enlevées des éléments. Je reviens aussi sur cette question de la masse des déchets et aussi sur cette problématique qu'on n'a pas encore abordée ensemble, la problématique de la culture de l'usage unique. Ça aussi, quel est l'impact de cette culture-là ? En fait, c'est tout notre rapport à la consommation. On a un rapport à la consommation qui est une consommation rapide, en masse, en volume, qui, de notre côté, fait aussi l'affaire d'un modèle économique qui est un modèle en volume. Plus je vends de machines et plus je gagne d'argent. Alors qu'on pourrait avoir des modèles économiques, et à l'ADEME on y travaille, qui soient en valeur. Plus je fais durer la valeur du produit et plus je donne un service à mon client et plus je gagne de l'argent, c'est des modèles économiques qui fonctionnent. En fait, c'est notre relation à la consommation basée sur le volume et donc basée sur une production de déchets de plus en plus importante qu'il faut parfois pouvoir re-questionner, pas dans un dispositif de décroissance, dans un dispositif de croissance nouvelle basée sur la rareté de la ressource. Et puis 19 millions de tonnes d'objets plastiques à usage unique qui sont fabriqués tous les ans dans le monde. On peut aussi parler de l'obsolescence programmée, Vincent Zemmété. Alors oui, l'obsolescence programmée, mais j'aurais presque envie de dire tous les types d'obsolescence. L'obsolescence technologique, logicielle, elles sont nombreuses en fait. Combattre l'obsolescence, peu importe la forme, ne peut être que bénéfique à l'instauration finalement d'objets durables ou d'objets réparables tout simplement. Et en ce sens, les nouvelles lois qui sont apparues en France, comme la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, avec la mise sur l'instauration d'indices de réparabilité et de durabilité pour indiquer et informer le consommateur sur le potentiel, on va dire, de réparabilité, de durabilité d'un objet est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Roland Marion. Mais c'est ce qui est très intéressant dans cette loi, en particulier sur ce volet indice de réparabilité, c'est qu'on donne simplement l'information au consommateur pour qu'il en fasse ce qu'il veut en fonction de ses autres critères d'achat, du prix, du design, de ce que vous voulez. Il sait que ce produit-là pourrait avoir une réparation plus facile que le produit concurrent. Et rien que ça, non seulement pour le consommateur, ça fait un peu bouger les lignes, mais mettons-nous maintenant à la place du producteur. Celui qui aura un indice de réparabilité mauvais, et bien lui, très naturellement, il va tout de suite engager des modalités d'éco-conception pour avoir une note aussi bonne que celle de son concurrent. Donc en réalité, en informant le consommateur, on agit directement sur le producteur. Et c'est ces nouveaux modèles qui sont finalement pas très compliqués à mettre en place, dont on voit qu'ils commencent à prendre. Une façon d'agir sur les comportements et sur les comportements industriels. Alors on continue de suivre la route des déchets. Comment mieux les gérer, comment mieux les traiter? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Roland Marion et Vincent Semeté, nous parlons de déchets, de comment les revaloriser. Nous venons de voir qu'en France, nous produisons environ 310 millions de tonnes chaque année. Nous venons de voir que le principal secteur qui produit le plus de déchets, c'est celui de la construction. On a aussi dit que le recyclage faisait partie des plus vieux métiers du monde. Enfin, Roland Marion, il y a aussi ce qu'on appelle la rudologie. Qu'est-ce que cette science des déchets ? En fait, c'est un déchet, historiquement, c'est un objet dont on a envie de se débarrasser pour des questions de salubrité, parce qu'il nous embarrasse. Parce que... Et puis, quand on va regarder dans le détail de ce dont on a commencé à évoquer, qui est, mais quelle est la valeur de la matière contenue dans le déchet ? Comment est-ce qu'on peut faire pour la récupérer ? Comment est-ce qu'on induit dans les bonnes filières ? Comment est-ce qu'on informe le consommateur ? Et bien, on se dit qu'il faut le connaître. Et connaître le déchet en quantité, en qualité, en volume, pour pouvoir essayer de lui trouver des filières de collecte, de valorisation, de recyclage qui vont fonctionner, eh bien, figurez-vous que c'est très compliqué. Rien que les plastiques. Si on s'intéresse aux plastiques, peut-être qu'on en dira quelques mots. On a plusieurs résines de plastique qui ont des comportements dans des chaînes de recyclage qui vont être différents, qui vont dans des usines de réincorporation pour des usages qui seront différents. Donc, en fait, c'est rien que la question du plastique, c'est tout un écosystème de complexité. Donc, la rudologie, c'est la connaissance, ou rechercher la connaissance de cette filière de déchets. Vincent Semeté, la rudologie, quelles sont ses missions et ses méthodes ? Bah, c'est un... en effet, comme le soulignait Roland, c'est les déchets. Malgré une apparence de simplicité, éventuellement d'un objet ayant une vocation funeste, on a là affaire à quelque chose qui est souvent très complexe en fait, puisque on va avoir des flux en mélange qu'il faut caractériser, différentes typologies d'objets. Hein, c'est le cas notamment dans des 3E, hein, lorsqu'on pense aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils nous entourent et ils sont tous différents. On note une très grande diversité et aussi très complexe. Donc, il nous faut les étudier. Si l'on veut savoir déjà ce qu'il y a, on peut extraire à partir de ces déchets et mettre, quelque part, développer le procédé de recyclage qui sera le plus à même d'extraire, de récupérer la valeur de ces déchets-là. Mieux gérer les déchets, justement, Roland Marion, tout ça, c'est basé sur une hiérarchie aussi des modes de gestion. Écoutez, oui, une hiérarchie qui est européenne et qui est évidemment reprise en droit français. Alors la première, c'est la prévention, ou ce qu'on peut appeler aussi la sobriété. C'est-à-dire tout faire pour éviter de produire un déchet. Donc en réalité, en consommant différemment. Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un blister en plastique qui vient réunir 3 tubes de dentifrice ? Bon, ça fonctionne très bien sans. Donc des modes de prévention qui permettent de produire moins de déchets. Ensuite, le produit, ce qui est encore un produit en réalité, on peut le préparer pour le réemploi. Mon ancienne chaise, mon ancien meuble, mon ancien téléviseur que je vais réparer, qui pourrait avoir une seconde vie auprès de quelqu'un qui serait intéressé. C'est la préparation pour le réemploi. Et donc, c'est la deuxième chose à faire une fois qu'on n'a pas réussi à éviter la production du déchet. Et ensuite, on va vers des filières de recyclage matière. C'est-à-dire qu'on va essayer de séparer les matières, donc les résines, en fait la molécule, pour remettre ça dans une chaîne de production. Enfin, on va en valorisation énergétique. Figurez-vous que nos déchets, plastique, papier, bois, carton, ont une valeur énergétique importante, très importante. Donc plutôt que les enfouir et d'importer du gaz, c'est quand même plus malin de les valoriser sous forme d'énergie. Et quand on a fait tout ça et qu'on ne peut plus rien faire du déchet pour des raisons techniques ou économiques, ça va en enfouissement. Mais là, la matière est perdue. Et cette hiérarchie, un peu en entonnoir, elle est prise pour l'ensemble des pays européens, puisque c'est une directive européenne, et reprise évidemment en droit français. Alors comme vous dites, en premier lieu, la stratégie principale, elle consiste à produire le moins de déchets possible. Écoutez. Vous prendriez lequel, vous ? Honnêtement ? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%. Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux ? N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Eh, et vos placards ? Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsresources.gouv.fr. Voilà, récemment, cette publicité de l'ADEME sur les dévendeurs qui a fait beaucoup parler d'elle, finalement. Voilà, une des solutions pour la gestion des déchets, c'est de plus rien acheter du tout, de plus rien acheter. Oui, mais le message, le message n'est pas celui, c'est en réalité. Le message est celui de se poser la question, à un moment donné, dans notre vie quotidienne, est-ce que je vais me faire plaisir ou est-ce que j'ai réellement l'utilité de ce que je vais acheter? Et si j'ai l'utilité, parce qu'il y a d'autres messages sur les dévendeurs, qui sont, si j'en ai l'utilité, est-ce que je ne peux pas plutôt le louer ou le réparer? En tous les cas, modifier un peu mon approche par rapport à la consommation. Le message est juste celui-ci, mais toujours dans un monde de prospérité, de croissance, mais en consommant un peu différemment. Et repenser notre consommation. Vous évoquiez également le fait de privilégier la réutilisation. Est-ce qu'on connaît le taux de réemploi pour les biens de consommation courante? C'est très compliqué. Mais on pourrait se poser la question presque un peu différemment. Combien de temps on utilise sa perceuse? Combien de temps on utilise son broyeur de végétaux? Combien de temps on utilise... À peu près rien, en réalité, dans la vie. Alors que nos voisins ont des broyeurs de végétaux, ont des perceuses, mon copain, ils ont tous une... Et donc, on a aussi des modèles de consommation collaborative qui pourraient fonctionner très bien, qui rendraient exactement le même service. Vincent Semeté. Ah, tout à fait. Je pense qu'il y a tout un monde à réinventer et des nouveaux modèles économiques, notamment pour partager, pour des organisations de on va dire, de société, on va dire. Et au-delà de tout ça, c'est aussi l'interrogation du consommateur. Et c'est pour ça qu'un consommateur doit être informé, hein, on revient un petit peu à cette idée des indices, pour qu'il puisse s'interroger sur son achat. Et afin de faire l'achat le plus, un choix le plus judicieux possible. Là aussi, faut noter quelque chose. Je pense que on a forcément toutes ces attitudes, hein, vis-à-vis de notre relation à la consommation, aux objets. Elle est aussi générationnelle quelque part. On voit que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Elles sont prêtes à des sacrifices, on va dire quelque part, façon de parler, à partager plus, à d'autres modes de consommation que des générations un peu plus anciennes, on va dire. Je suis complètement d'accord avec ça. On voit bien qu'il y a des questions pratiquement générationnelles et qu'on avance par coup de génération. Mais on avance quand même bien sur le sujet. Quand on regarde les modes de consommation de nos parents ou nos arrière-grands-parents, la manière dont ils géraient leur dépotoir, la manière dont ils avaient relation à la consommation, on n'est pas parfait, loin de là. Mais génération après génération, ça évolue et ça évolue plutôt bien. Et comment avancer encore un peu mieux vers un monde sans décharge? Vous parliez en effet donc du recyclage, hein, parmi toutes ces hiérarchies de modes de gestion des déchets. Le recyclage, bon, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Roland Marion, concrètement, après la collecte des déchets, que se passe-t-il? Ça dépend du type de déchet. Alors prenons l'exemple du déchet que je trie dans ma cuisine, qui est le déchet d'emballage. Depuis fin 2022, tous les Français trient l'ensemble de leurs déchets d'emballage de la même manière, partout sur le territoire. Parallèlement à ça, l'ADEME et l'État ont accompagné la modernisation des centres de tri de chacune des collectivités qui a la compétence en matière de gestion de déchets. Ce qui fait que désormais, partout sur le territoire, dès que vous triez votre emballage, vous faites un geste simple pour l'environnement, il va dans un centre de tri modernisé et vous allez participer à la création d'une palette de bois, de papier, de plastique, de métaux, d'aluminium. Et ces palettes-là repartent dans des usines de production de papier, de production de verre, de production d'aluminium, de production... Voilà. Par exemple, le papier. Quand vous achetez du papier, il est fabriqué à 80% à partir de papier qui a déjà eu une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. C'est-à-dire que l'industrie papetière, désormais, sa matière première de prédilection, c'est le recyclage. C'est ce que vous mettez dans votre bac de collecte. Donc ça, c'est une partie sur les emballages. Et puis, on peut parler des équipements électriques et électroniques, on peut parler des piles, on peut parler des véhicules hors d'usage, nos véhicules, on peut parler à peu près de l'ensemble des biens de consommation courante. Et ils ont tous désormais une filière de recyclage qui est en train de se moderniser, qui est en train de progresser, pour que la matière retourne dans des cycles de production, une fois, deux fois, trois fois, etc. Quels sont les matériaux qui se recyclent le mieux? Eh bien, c'est ceux qui se collectent le mieux, et je dirais qu'ils se collectent de manière différemment des autres. Voilà, si on, de manière différenciée. Aujourd'hui, par exemple, on collecte très mal le plastique. C'est vraiment une difficulté. On sait que le plastique va se fragmenter en microplastique, en nanoplastique. On sait qu'il pénètre dans les sols, qu'il va rejoindre les eaux, qu'il va rejoindre les chaînes trophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires, animales et végétales. On sait qu'on en retrouve dans notre corps, dans notre sang. Voilà. Mais on le collecte mal. Pourtant, on aurait des filières de recyclage de plastique qui permettraient de refabriquer des emballages, des pare-chocs, des équipements électriques, électroniques à base de plastique recyclé. On saurait le faire. Mais il faut une filière de collecte. Oui, sur le problème du plastique, on a consacré déjà une émission, je renvoie nos auditeurs justement, une émission consacrée sur le microplastique, une émission dans laquelle on apprenait que d'ici 2050, hein, sur la totalité des poissons qui peuplent les océans pèseront moins lourd que les déchets plastiques retrouvés en mer. Vous dites, la collecte est mal organisée, mais on peut aussi dire, Vincent Sémété, que l'utilisation du plastique recyclé se heurte aussi à des freins à la fois technologiques et économiques. Le taux d'utilisation du plastique n'atteint que 15%. Alors oui, le plastique est un défi majeur. Donc, comme le soulignait Roland avant, le pilier finalement dans le recyclage, c'est la collecte. S'il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de traitement. Dans la collecte, bien sûr, les pouvoirs publics ont leur mot à dire, hein, son moteur dans cette action-là. Mais il faut pour cela aussi avoir l'adhésion du consommateur, hein, que nous sommes, pour qu'il puisse adhérer à ce geste de collecte, hein, pour bien collecter. Après, en effet, lorsque les plastiques arrivent dans les centres de tri, hein, il y a de nombreuses limitations qui font qu'un plastique ne pourra pas être recyclé. C'est tout simplement le fait que quelquefois on a des formulations qui ne sont plus réglementairement acceptables, sont interdites. C'est le cas dans les D3E avec des plastiques qui à une époque étaient ignifugés avec des composés bromés. Donc ceux-là ne peuvent plus être remis sur le marché, ne peuvent plus être recyclés, donc sont envoyés en destruction. On peut parler aussi de tous ces plastiques qui ont été quelque part mis en forme de manière particulière, comme les laminages, les multicouches, hein, qui font qu'on a pu obtenir des plastiques, notamment en emballage très sophistiqué, nous permettant de conserver les aliments, mais étant aussi un frein au recyclage. Donc il y a plein de raisons finalement qui limitent à l'heure actuelle le recyclage des plastiques. Une des solutions peut être aussi l'éco-conception. Comment améliorer finalement le design des pièces en plastique pour faciliter le recyclage. Et au-delà de cela, peut-être se questionner tout simplement sur certains usages de plastique, le plastique notamment à usage unique. Roland Marion. On a aussi un problème industriel, géopolitique, économique, que vous avez un peu cité, qui est, je suis producteur de plastique. J'ai donc deux sources de matière possibles, soit du pétrole, soit de la matière qui aura vécu des cycles industriels et qui aura été recyclée. Le pétrole, il coûte le prix du pétrole. 80% du prix du plastique issu de pétrole, c'est le coût du pétrole. Et par contre, le coût du recyclage, c'est le coût industriel, sur des emplois locaux, etc. Ce qui fait que si le pétrole tombe à des cours qui sont trop bas, ben, moi, producteur de plastique, économiquement, j'ai tout intérêt à prendre du pétrole pour fabriquer du plastique plutôt que de prendre du plastique issu de recyclage. Donc on a un problème pratiquement structurel. Et ça, l'Europe est en train de le combattre. Alors, il y a eu des programmes français et il y a des programmes européens aussi réglementaires. Français, c'est en accompagnant les plasturgistes à ce qu'ils intègrent davantage de plastique recyclé, en leur donnant des bonus économiques à l'intégration de plus de plastique recyclé. Ce qui fait que ça donne un coût pour le plastique recyclé qui est plus intéressant que le plastique vierge. Et puis l'Europe qui impose des taux d'incorporation de plastique recyclé dans des nouveaux emballages en particulier. Ce qui fait qu'à ce moment-là, peu importe le coût de la résine vierge ou de la résine recyclée, puisqu'il y a une obligation, on a une décorrélation des cours qui font qu'on va intégrer plus de recyclé que de vierge. Et ça, c'est vraiment un mouvement de fond qui aujourd'hui, sur les bouteilles en plastique, par exemple, 25% devront être issus de recyclage en 2025 et 30% devront être issus de recyclage en 2030. Et puis, ce mouvement va sans doute s'amplifier sur d'autres résines qui ont du mal à trouver leur équilibre économique. Au-delà de tout ça, il y a aussi le changement de culture. C'est vrai que basculer d'un monde où on utilisait des résines plastiques venant de la pétrochimie et basculer sur des résines de recyclage, il y a la question éventuellement de la traçabilité, de la définition de grade pour pouvoir la réincorporer. Donc il y a une certaine réticence de l'industrie. Mais voilà, il faut que les choses changent petit à petit et qu'il y ait une acculturation au recyclage, notamment de l'industrie du plastique. Une catégorie de déchets qui est particulièrement contraignante, ce sont les déchets électroniques. On en produit, vous l'avez dit, environ 60 millions de tonnes dans le monde chaque année. Quels sont les enjeux de leur traitement et comment fait-on actuellement? On en parle après ce morceau du post-punk pour Détritus. El rockabilly De la culture des déchets de Los Prisioneros en direct sur France Culture. Car c'est ce dont nous discutons tout au long de cette heure en compagnie de nos deux invités. Roland Marion, directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME, et Vincent Sémété, directeur de recherche CNRS, à Chimie Paris Tech. Nous venons de parler d'un grand nombre de déchets, de leurs moyens de recyclage. Les déchets électroniques, le monde en produit donc 60 millions de tonnes chaque année. En France, l'ensemble des déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est 2,3 millions de tonnes. Roland Marion, c'est énorme. Oui, et c'est en croissance. Voilà. Et donc, on revient sur la question qu'on abordait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on les collecte? Comment est-ce qu'on sépare les matières? Et puis après, comment est-ce qu'on récupère les matières précieuses qui sont contenues dans ces déchets-là? Oui, puisque ce qu'on a évoqué aussi en début d'émission, c'est que les enjeux du traitement des déchets électroniques, c'est qu'on retrouve dans ces déchets tous les matériaux de la transition écologique. En effet, donc nous générons beaucoup de D3E, hein, déchets d'équipement électrique et électronique, 13 kilos par habitant en France, hein, ce qui est énorme, signe voilà d'un niveau de vie quelque part. Hein, un Africain produit 1 à 2 kilos seulement. Comme je le disais les D3E ont deux qualificatifs quelque part. Il y a la diversité, donc on fait face à une très grande diversité d'objets. Hein. On va parler d'une clé USB, d'un smartphone, un climatiseur, donc des objets qui partagent notre vie au niveau domestique, mais aussi au niveau professionnel. Donc grande diversité associée aussi à une grande complexité. Lorsqu'on parle typiquement d'un smartphone, un smartphone rassemble à peu près une soixantaine d'éléments chimiques, hein, donc une grande partie du tableau périodique des éléments, dans un espace qui est finalement assez réduit, très, très dense. Donc là, il y a une grande source finalement de recherche à développer pour tirer profit et adapter les technologies finalement de recyclage et récupérer au mieux les valeurs contenues à l'intérieur de ces D3E, en l'occurrence les métaux et les plastiques. Justement, comment on fait actuellement? Quelles sont les différentes étapes du traitement des déchets électroniques? Alors, les différentes étapes, comme je disais, ça commence déjà par la collecte. S'il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de traitement. Donc, il y a quelque chose ici de très important. Il faut après acheminer la collecte qui peut avoir lieu dans différents sites. Hein. C'est ces bacs qu'on récupère de récupération dans les magasins. C'est aussi les déchetteries. On a aussi maintenant de plus en plus de la collecte à domicile. Donc il y a de très grands moyens finalement pour confier les déchets d'équipement électrique et électronique dans la filière dédiée, non pas dans la poubelle, hein, de grâce, c'est interdit. Ensuite, ces déchets d'équipement électrique et électronique vont rejoindre les sites de traitement où ils seront triés pour enlever éventuellement les D3E qui n'appartiennent pas à la bonne catégorie, hein, qui pourraient éventuellement perturber le site du traitement. On va éventuellement s'assurer que certains équipements ne pourraient pas être réutilisés, hein, dans cette idée de réutilisation, ou servir de source pour des pièces de réutilisation et aller alimenter éventuellement tout le secteur permettant la réparation, on va dire, des équipements électriques et électroniques. S'ensuit ensuite le véritable traitement, où l'on va commencer par un démantèlement pour enlever toutes les substances toxiques et éventuellement les équipements dangereux tels que les batteries. Ça, c'est un point bien particulier dans les D3E. Il y a cette notion de pollution. Et ensuite, donc on va éventuellement récupérer aussi d'autres éléments ayant eu une valeur, les cartes électroniques, les bobines de cuivre, Et ensuite, cet équipement va être broyé pour générer des petits fragments. Et ces fragments vont être séparés par différentes techniques basées sur l'électromagnétisme pour enlever les éléments ferreux par des aimants, par des courants de Foucault, ou encore par des trioptiques ou de la flottaison pour trier les plastiques et trier différentes résines ou enlever les résines qui ne sont plus utilisables à l'heure actuelle parce que contenant des substances qui sont réglementées à l'heure actuelle. Et quels métaux on trouve dans une carte électronique, par exemple, vous évoquiez Alors, peut-être, quelle est la composition moyenne des trois œufs si on les mettait, voilà, si on faisait quelque part une analyse de l'ensemble des trois œufs, hein, qui appartiennent à de nombreuses catégories. On trouverait principalement des métaux ferreux pour 50%, à peu près la moitié de la valeur. Ensuite viennent les plastiques pour à peu près 20%. Donc le 20% dans des trois œufs contient du plastique. Un quart de ces plastiques ne peuvent pas être recyclés parce que contenant des substances interdites. Ensuite viennent des métaux non ferreux, donc pour 11%. Et on a un petit 3% de cartes électroniques, mais ces cartes électroniques contiennent beaucoup de métaux, notamment du cuivre et des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine, le palladium. Une carte électronique contient à peu près 200 grammes d'or par tonne de carte électronique, ce qui est bien plus qu'une mine d'or. Une mine d'or, c'est à peu près juste 10 grammes d'or par tonne de minerai. Donc il faut en prendre conscience. Il y a donc un véritable intérêt à recycler aussi, d'un point de vue économique, les déchets. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que vous disiez aussi, c'est que pour certains métaux, ils sont perdus. On ne sait pas les récupérer. Oui, en effet. Et vous travaillez d'ailleurs sur ça également à Paris Tech, à Chimie Paris, pardon, avec cette chaire dédiée à la mine urbaine. Exactement. Donc à l'heure actuelle, le taux de recyclage dans des trois œufs se situe aux alentours de 77%. Dans les cartes électroniques, on récupère essentiellement le cuivre et les précieux, mais beaucoup d'autres métaux sont perdus au passage, notamment des métaux critiques, donc des métaux qui sont des métaux, on va dire, technologiques, dont on a besoin pour de nombreuses applications, dans la défense, l'électronique, toute la transition énergétique pour fabriquer des éoliennes, des batteries. Ces métaux sont perdus, donc il faut c'est un petit peu la mission que se fixe à l'heure actuelle de nombreux laboratoires, hein, afin de valoriser, hein, et d'essayer de récupérer ces métaux qui sont à l'heure actuelle perdus. Donc c'est ce que nous faisons donc à Chimie Paris et plus globalement dans une chaire, donc la chaire dont je suis responsable, la chaire Mines Urbaines, donc qui rassemble trois écoles d'ingénieurs: Arts et Métiers, Chimie Paris et Mines Paris, pour globalement s'intéresser à la problématique de l'économie circulaire et du recyclage des D3E. Donc cette chaire est soutenue par un mécène qui est Écosystème, un éco-organisme impliqué dans la collecte et le traitement des D3E. La Chimie Paris d'ailleurs vous intéresse à la récupération de l'antimoine qu'on retrouve dispersé dans des plastiques. Donc voilà, tous ces équipements électroniques, ordinateurs, téléphones, tablettes qui contiennent des métaux. Il est donc assez complexe de les extraire et c'est l'objet de notre reportage du jour avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allée dans le laboratoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris pour découvrir un procédé innovant et plus écologique pour recycler les composants de ces déchets électroniques. Oui, c'est ça. La récupération des métaux issus des déchets électroniques est un défi majeur pour préserver les ressources naturelles. Cécile Monteux, directrice de recherche au CNRS, et sa doctorante Anne Rousseau ont mis au point une méthode de lixivation, c'est-à-dire d'extraction chimique grâce à des mousses composées à 90% d'air et seulement 10% d'acide. Elles peuvent dissoudre et récupérer proprement le cuivre ou l'argent des déchets. Une solution performante et écologique et qui a l'avantage de pouvoir s'étendre à d'autres métaux. Donc c'est une colonne qui est remplie de mousse, comme une mousse de savon, et qui contient aussi des particules métalliques là, qui sont rouges, et l'idée c'est qu'elles vont être lixiviées, c'est-à-dire qu'elles vont être dissoutes dans cette mousse pendant la rotation, et on met en rotation pour permettre qu'elles circulent bien dans l'ensemble de la mousse au cours de l'expérience. Pour que ce soit bien homogène. est bien réparti, les particules de métal. Il s'agit de quel métal? Ici, c'est du cuivre qu'on fait, c'est pour ça que c'est rouge. Et au bout d'un moment, quand le métal cuivre est passé sous forme d'ion, ce qu'on veut récupérer, ça devient légèrement bleuté parce que c'est la couleur des ions cuivre. C'est des échantillons, par exemple. Donc, nous allons... Très belle Sorbonne, très surannée. Très vintage. Bah oui, parce que souvent on manipule aussi des espèces très volatiles et il ne faudrait pas se retrouver à inhaler des choses un peu. C'est ça, c'est pour les espèces volatiles. Et là, c'est aussi le fait que Anne travaille avec des acides, donc pour être sûr de ne pas s'éclabousser. C'est de l'acide chlorhydrique du coup que vous utilisez Oui. Alors là, on a ce projet en particulier où on utilise des mousses pour dissoudre des particules métalliques dans l'idée de dissoudre et extraire les métaux qui sont dans des déchets électroniques, puisque dans les déchets électroniques, il y a beaucoup de métaux. Voilà, et les mousses, pourquoi les mousses? C'est parce qu'une mousse, c'est beaucoup d'air et peu d'eau. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, si on remplace... les méthodes classiques qui servent à extraire et dissoudre les métaux par des mousses, on va utiliser moins d'eau, on aura moins d'eau à traiter, aussi moins d'eau à évaporer par la suite. Et puis, dans une mousse, il y a de l'air, il y a du gaz, et dans cet air, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est un oxydant qui a la possibilité de réagir avec les métaux et de les oxyder et de les dissoudre. Donc il y a un certain nombre d'avantages, vous venez de les citer. Est-ce que vous pourriez définir les ratios, par exemple, dans une mousse, quel taux d'oxygène il y a, et ça permet de réduire de combien de pourcents, par exemple, l'usage d'un solvant? Donc typiquement, dans une mousse qui a une fraction liquide de 5%, ce qui est à peu près le cas de la mousse ici, donc c'est 5% d'eau en volume, dans tout le volume occupé. Et donc si on faisait la même réaction avec de l'hydrométallurgie classique, on n'utilise que de la solution, pour remplir le même volume, il faudra à peu près 20 fois plus de liquide. Donc nous, on réduit d'un facteur 20 ce qu'on appelle les effluents, qui sont les déchets liquides qu'on doit retraiter après cette expérience. Oui, donc le gain et l'économie est considérable. Est-ce que vous avez pu fournir des preuves de concept sur certains matériaux, sur certains métaux? Oui, le premier travail qu'on a fait sur ce sujet, c'était une expérience vraiment très preuve de concept. C'était pas des vrais déchets électroniques, c'était une plaque de cuivre que l'on faisait tourner dans une mousse, et dans une mousse qui contient des réactifs, des acides en fait, des ions H+. Et on a vu qu'au bout d'un certain nombre d'heures, on dissolvait 8 fois plus de cuivre en mousse qu'en solution, alors qu'on utilise 20 fois moins de liquide. Donc ça faisait un résultat très... très extraordinaire. Oui, oui, c'était la solution très... miracle. Oui, oui, c'est un résultat qui nous a beaucoup enthousiasmé. Et après, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est de comprendre comment se fait le transfert de l'oxygène dans la mousse, le transfert des protons, etc. Et finalement, est-ce qu'on peut généraliser cette méthode, cette démarche à d'autres métaux qui sont très prisés dans l'industrie électronique? Alors, on a un petit peu travaillé sur l'argent. Pour l'instant, on a vu aussi que ça marche, on arrive avec les mousses à dissoudre l'argent de manière aussi efficace. C'est-à-dire que le ratio entre la quantité de réactifs sur la quantité d'argent dissoute est meilleur en mousse qu'en solution. Et ça demande quand même d'ajouter quelques réactifs chimiques supplémentaires, parce que les spécificités de l'or et l'argent par rapport au cuivre, c'est que ce sont des métaux inertes. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas attaqués aussi facilement par l'oxygène que d'habitude, ce qui explique qu'on ajoute des intermédiaires qui vont faciliter cette réaction, mais toujours en la réalisant en mousse. Oui, j'allais aussi ajouter que l'autre facteur, c'est qu'ici, on a un transport des réactifs qui est très différent de ce qui se fait habituellement. Habituellement, on travaille dans des grandes cuves qui sont agitées et qui permettent d'avoir un bon accès à tous les réactifs. Et ici, la spécificité, c'est aussi qu'en mousse, on n'a pas du tout le même type de transport. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on se retrouve à étudier beaucoup dans ma thèse et qui est assez nouveau. Oui, ça implique de réfléchir, de penser tout le design et le protocole expérimental qui est autour. Oui, c'est comme ça qu'on en est venu à une manip en rotation qui permet de sans cesse redistribuer les particules dans l'ensemble de la mousse. Donc en première étape, comme nous, on va chercher à lixivier, donc dissoudre des particules métalliques, je les ai sous forme d'une poudre. Dans un petit flacon, là. Oui, c'est ça. Qui a une taille bien définie. Ici, ça va être des particules de cuivre. Donc, je vais les placer dans le fond de ma colonne. et en connaissant une masse exacte qui va me permettre de quantifier ce que je réussis à dissoudre en un certain temps. Par la suite, je vais ajouter une solution moussante, donc qui est une solution qui contient à la fois l'acide dont on parlait, qui est nécessaire pour faire la réaction, et également une autre espèce chimique qui s'appelle des tensioactifs et qui va permettre de stabiliser cette mousse. Par la suite, je vais donc introduire cette poudre et ce liquide dans le bas de ma colonne et j'introduis ce qui s'appelle un poreux. C'est une baguette creuse donc, par laquelle on peut insuffler de l'air et au bout de laquelle il y a un matériau plein de petits trous par lequel va passer l'air sous forme de petites bulles. Et donc on va faire buller ce poreux dans le liquide, ce qui va générer les bulles qui sont stabilisées par le tensioactif et donc donner cette mousse. On remplit la colonne de cette mousse. Donc en insufflant de l'air comprimé tout simplement, donc qui contient comme l'air qui nous entoure du diazote et du dioxygène. Et une fois que la colonne est remplie, on peut réguler le niveau de liquide. En l'occurrence, j'utilise cette seringue qui va me permettre de prélever le liquide excédentaire pour avoir une fraction liquide déterminée dans la mousse. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre la colonne en rotation avec ce moteur que vous voyez ici. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Vincent, c'est mettait une réaction à ce qu'on vient d'entendre. C'est un reportage tout à fait fascinant, donc sur un procédé que je connais bien, puisqu'il fait en collaboration avec Chimie Paris, qui concerne un procédé tout à fait innovant et intéressant dans le sens où on va parler de procédé bas impact, en fait. Comment finalement récupérer les métaux en ayant des impacts très bas, donc en termes de consommation d'eau, d'utilisation de réactifs. Tout en restant, performant sur la récupération des métaux. Donc, dans ce sens, ces travaux sont tout à fait intéressants de ce point de vue-là. Roland Marion, en effet, le recyclage, ça implique aussi une consommation d'énergie. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant sur cette filière aussi d'équipement électrique et électronique, vous l'avez parfaitement décrit, monsieur Lamété, c'est que d'abord, c'est très industriel. De la collecte industrielle, du démantèlement, et puis après, le traitement par métallurgie, hydrométallurgie ou par lixiviation. C'est souvent dans des, c'est étonnant d'ailleurs, très grosses unités européennes. C'est-à-dire massifier le traitement de ces cartes électroniques dans des très grosses unités industrielles européennes. Voilà. Et en fait, on peut tout, théoriquement tout recycler. Mais ça illustre aussi très bien le problème économique qu'on rencontre pour récupérer des très petites fractions de métaux qui n'ont pas un cours très important sur le marché. Parce qu'ils sont livrés de Chine ou d'autre part à des cours faibles, et donc qu'on n'arrive pas à recycler pour des questions économiques. Qui aujourd'hui accepterait d'acheter son smartphone au prix de la rareté des métaux qu'il contient, c'est-à-dire 10 ou 15 000 euros? Personne. Puisque tant qu'on peut s'approvisionner pour pas cher, on fait ça. Donc ça nécessite aussi de la recherche, de l'innovation et de la progression en matière de technologie de recyclage, évidemment. Et puis recycler, ça reste toujours moins consommateur de CO2 que consommer en effet de la matière vierge, comme vous dites. Oui, alors c'est aussi un élément intéressant à constater. Si on produit une tonne de plastique à partir de plastique recyclé, on émet 2 tonnes de moins, en moyenne, qu'à partir de plastique vierge. Parce que le plastique vierge est exploité quelque part dans le monde, ça va dans les grosses unités, c'est transporté, etc. Et au global, le recyclage à l'échelle de la France permet d'économiser, par ces mécanismes-là, de l'ordre de 20 millions de tonnes de CO2, ce qui est loin d'être négligeable. On arrive vers la fin de cette émission. Vincent Samité, je voudrais vous demander quels sont les défis de la recherche à ce niveau. Qu'est-ce qui anime la recherche actuellement dans ce domaine de la gestion du recyclage des déchets électroniques? Alors, il y a plusieurs pistes, hein, comme on l'a évoqué, hein, les déchets en dépit finalement d'une image assez peu, ayant très peu de valeur, finalement, on a finalement affaire à un domaine très pour lequel il y a besoin beaucoup de recherche finalement et à tous les niveaux. Et on peut citer déjà sur la caractérisation des déchets. En effet, on peut pas imaginer développer des procédés de recyclage sans connaître ce qu'on, quelque part, les déchets sur lesquels travailler, les valeurs à récupérer. Typiquement, par exemple, nous travaillons sur les LED. Les LED ont supplanté en termes d'éclairage les autres technologies que sont les lampes fluo compactes, les lampes à incandescence. Mais nous ne savons pas les recycler et nous ne savons pas ce qu'elles contiennent précisément. Or, elles contiennent de l'or, elles contiennent de l'argent, du cuivre. Donc ça, c'est très important de mener ce type d'études. C'est s'intéresser aussi à l'échantillonnage. Quelle valeur donner finalement lorsqu'on on est dans des stratégies de transaction finalement, quelle valeur donner à des fragments que l'on vend finalement, est-ce que l'on doit quelles sont les méthodologies adoptées pour de manière adéquate dire que tel big bag, donc la, qui sont des unités de vente pour les acteurs du domaine, contient telle valeur ou telle valeur de métaux. Ensuite vient les problématiques liées au tri et à la séparation. Hein, une des limites des plastiques aussi vient du fait qu'on a des limites intrinsèques sur le tri et la séparation. Donc ça, c'est notamment développé par mes collègues donc, à l'école de, donc, à type d'ingénieur arts et métiers. On va développer des procédés existants, on va les améliorer pour les rendre plus performants. Donc ça, c'était typiquement le programme dont on a parlé. Et on va surtout développer notamment des stratégies pour aller récupérer des nouveaux, tous ces métaux critiques hein, que nous ne sait pas à l'heure actuelle récupérer. Et là, typiquement, nous développons des stratégies pour récupérer l'antimoine dans les plastiques bromés ou encore le tantal des cartes électroniques, tantal qui est utilisé pour l'aviation, l'armement et pour lequel donc on a quelque chose de très intéressant à développer. Et peut-être j'ajouterai, dernier point, l'éco-conception. Avant de penser au recyclage, il faut penser à l'éco-conception pour mieux produire et faire en sorte que nos produits puissent être recyclés. Voilà, et j'ajoute qu'à l'ADEME, vous travaillez aussi sur la gestion des déchets électroniques avec les filières REP, hein, ou comment penser la fin de vie d'un produit dès sa conception. On va parler dans quelques instants de tout autre chose avec la chronique d'Alexandra Delbo. Mais avant cela, j'invite nos auditeurs à découvrir la nouvelle exposition à la Cité des Sciences à Paris. Une exposition qui s'intitule « Précieux déchets » pour prendre conscience des déchets que l'on génère. Merci Roland Marion, merci Vincent Semeté. Merci beaucoup. On retrouve Alexandra Delbo qui poursuit sa semaine spéciale sur la mémoire, aujourd'hui, la mémoire des animaux. Les poissons ont-ils vraiment mauvaise mémoire? Et on commence avec une idée reçue, celle du poisson rouge amnésique. Un tour de bocal et hop, il ne se souviendrait plus de rien. Ses capacités de mémorisation n'excéderaient pas 3 secondes. Mais d'où vient cette idée? Eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment. En tout cas, cela ne provient pas d'une mauvaise interprétation de la littérature scientifique. Il est probable qu'un passionné en aquariophilie ait construit ce mythe de toutes pièces, en regardant ses poissons tourner en rond et en assumant que leur capacité cognitive soit extrêmement réduite. Pourtant, les poissons ont bien une mémoire, tout simplement parce que leur survie en dépend. David Lecchini est chercheur au CRIOB à Mouréa, en Polynésie française. Les poissons, comme tous les animaux, sans mémoire, on ne peut pas vivre comme nous, les humains. C'est-à-dire que la mémoire est essentielle à la vie, tout simplement par exemple, pour retrouver son habitat. Quand le poisson sort un peu de son habitat, que ce soit un poisson d'eau douce ou un poisson en mer, quand il quitte son habitat, il a besoin de le retrouver. Il y a l'apprentissage aussi de savoir que certaines espèces de poissons sont des prédateurs. Donc, il y a aussi la mémoire de retenir que ce poisson-là, c'est un prédateur, alors que cet autre poisson, c'est pas un prédateur. Il y a aussi la reconnaissance du partenaire sexuel. Donc, la mémoire, aussi bien, on va dire, des humains comme du poisson rouge, finalement, est essentielle à sa survie. Et donc, quand on s'est rendu compte de cela, les chercheurs, dans les années 50, plusieurs études ont été menées. Donc la première étude, c'est sur la nourriture, donc habituer le poisson à être nourri d'un côté de l'aquarium. Ensuite, il y a eu d'autres études qui ont été faites avec la musique, c'est-à-dire que on mettait de la musique, à chaque fois qu'on mettait de la musique, on nourrissait le poisson, et ensuite on a arrêté de nourrir le poisson et on continue à mettre de la musique, et comme ça on peut voir finalement le temps de rétention, le temps de mémoire que le poisson associe la musique avec de la nourriture qui doit être mise dans l'aquarium. Entre les années 60 et 80, la recherche s'est principalement concentrée sur l'étude des poissons en aquarium, en testant leur capacité mnésique par l'alimentation. Ensuite, les premières études anatomiques ont révélé que le siège de la mémoire se situe dans l'hippocampe. Pas le poisson, mais la région cérébrale, la même région qui est impliquée dans notre mémoire. La durée de cette mémoire varie en fonction des espèces, mais on estime que la plus courte est de 3 jours chez un poisson d'eau douce, celle de la truite est de 21 jours, et paradoxalement, la palme de la meilleure mémoire revient au poisson rouge, 5 mois au maximum. Il faut souligner que c'est aussi celle qui a été la mieux étudiée, donc ce n'est probablement pas la seule espèce à avoir une longue mémoire, ni peut-être la plus longue, mais on est bien loin des 3 secondes. Les publications sur le sujet restent rares, en tout cas pour ce qui est des démonstrations directes, mais en décrivant le mode de vie de ces animaux, d'autres études démontrent indirectement les capacités mnésiques des poissons en milieu naturel, et notamment celle du poisson clown que vous connaissez. connaissez toutes et tous sous le nom de Nemo. Quand il se reproduit, donc le mâle et la femelle, émettent des œufs et cet œuf reste à côté de l'anémone pendant 24 à 48 heures. Et donc, c'est la larve qui part, c'est-à-dire c'est bébé Nemo dans le film, qui part de l'habitat, il va dans l'océan entre 10 et 120 jours et ensuite il revient dans la zone. Et les études ont montré que finalement, Nemo, bébé Nemo, revenait dans la zone où il y avait les parents, c'est-à-dire qu'il avait imprégné l'odeur des parents et de l'anémone, et c'est comme ça qu'il retournait dans la zone où il y avait l'anémone. Et pourquoi je dis la zone où il y avait l'anémone des parents? Parce qu'au dernier moment, quand il y a les signaux visuels, c'est-à-dire qu'il est assez proche de l'anémone avec ses parents, il y aurait de la zone où il y aurait ses parents, à ce moment-là, il choisit un autre habitat, une autre anémone, pour éviter les problèmes de consanguinité, en gros de se reproduire avec papa et maman. C'est un peu comme aussi les saumons qui remontent les rivières, même si c'est pas les poissons, c'est les tortues aussi, qui après des années à naviguer dans l'océan, retournent sur les plages ou à pondre. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont montré, de façon indirecte finalement, que les poissons ont de la mémoire parce qu'ils arrivent à retourner sur des zones bien spéciales de leur vie. Soit pour se reproduire, soit pour trouver l'habitat finalement sur lequel ils vont grandir et vivre au stade adulte. Et si on parle de Nemo, impossible de ne pas parler de Dory, son amie qui présente justement des troubles de la mémoire. Si elle explique qu'elle n'a pas de mémoire à court terme, il s'agirait plutôt d'un défaut de mémoire à long terme, car ce poisson chirurgien est capable de tenir une conversation de plusieurs minutes. Rien n'explique dans les films l'origine de cette perte de mémoire, mais il existe bien, en milieu naturel, une susceptibilité de cette espèce à des perturbateurs endocriniens. Alors que les poissons chirurgiens sont capables de se souvenir de l'odeur de leur prédateur pendant 5 jours, le chlorpyrifos, un pesticide très utilisé dans l'agriculture en région tropicale, leur fait perdre la mémoire en la réduisant à 24 heures seulement. L'étude de l'influence des polluants en tout genre sur la mémoire des poissons, mais aussi des abeilles, des oiseaux, des mammifères et des autres êtres vivants, est donc un enjeu actuel de la recherche pour comprendre comment les activités humaines peuvent modifier leur comportement et comment mieux protéger ces espèces. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Demoule, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Jean Guinermège. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.